Je fais 7, 7, 3, 4. Première L2. Je tombais sur une classe de suceurs. Heureusement, il y avait mes refs, je les porte au fond du cœur. Nous c'est plutôt, je vais pas en cours, putain, eux c'est plutôt, l'école c'est trop bien. Avec eux, c'est un véritable film de cul. Avant je te suce, derrière je t'encule. Avec toi, ils cherchent l'altercation, un coup de pression, puis c'est bon, ils s'en vont, bouffons. Envie de coller des gaufres à ces putains de pauvres. Des fringues à plus de 20 euros, ils connaissent pas. Une chaîne Ororo, leur demande même pas. EC, il me fait trop rêver le Van Hippie des 60s. Nous c'est putain frère, comme ils gèrent le X6. Avec eux, faut être français et avoir des 20 sur 20 pour être bien. Nous c'est portugais, espagnol, italien, et on leur chie sur les mains. En cours, le bordel on aime foutre. La prof fait une réflexion, tu lui dis d'aller faire foutre. T'as toute la classe derrière la prof comme des moutons. Une classe de bouffons. Elle réfère. Par contre de face, ils ferment bien leur gueule, tu vois sur la voix, ils sont tout veulent. Pour casser des sucs sur le dos, ils créent un réseau Facebook, ça finira au couteau et avec un Nico Mook. C'est pas une classe, c'est un mitard, c'est une classe de bâtard, un repère de clochard. À croire que l'abbé Pierre leur avait donné rendez-vous ici pour distribuer des habits. Entre un qui a une serre triseau et un père alcool low, et une autre qui est super bien montée mais qui s'abîme comme une charclot. Comment tu veux faire? T'es obligé de distribuer des mocs à ces fils de putain. Pour eux, 3 centimes c'est un butin. Première L2 ma gueule. Une vraie classe de merde. C'était El Jefe. En direct. 2, 7, 3, 4. Ouais, ouais.